Tiré de contes du pays gallo d'Adolphe Forain, les éditions de l'Avenir présentent Les deux bossus de Pléchâtel. Un petit bossu du bourg de Pléchâtel, couturier de son état, avait tellement bu au marché de bain qu'en s'en allant, il s'endormit à l'ombre des hêtres de la lande de Bagaron. Son chien, qui s'était couché à côté de lui, voyant après quelques heures de repos que son maître ne bougeait pas, s'ennuya d'attendre et, sans doute, pour réveiller l'ivrogne, se mit à lui lécher la figure. Le bossu, en sentant cette langue sur son visage, s'imagina dans son sommeil que Périquier lui faisait la barbe et dit compère, comme ton rasoir coupe bien. Il n'a jamais été si doux. Le chien leva la patte et accomplit l'acte que cet animal a l'habitude de faire en pareille position. Le dormeur ajouta. Peste! Il y a l'eau chaude encore! Puis, il se mit à ronfler comme de plus belle. De guerre lasse, le chien s'en retourna seul à Pléchâtel. Jean Ballard, c'était le nom du tailleur, ne se réveilla qu'à minuit. Il se frotta les yeux, se mit sur son séant et aperçut près de lui les petits lutins de la lande de Bagaron qui dansaient une ronde sans refrain. Aussi, à la fin de chaque couplet, se laissait-il choir sur le derrière pour remplacer les vers absents. Mes amis, leur dit le petit bossu, votre chanson n'est pas drôle. Et si vous voulez, je vais vous en apprendre une un peu plus gaie que la vôtre. Ils acceptèrent avec empressement et le bossu leur chanta la noce du cousin Laurent, chanson un peu triviale, il est vrai, mais les couturiers de la campagne n'en connaissent pas d'autres. C'était hier la noce du cousin Laurent. Il n'y avait pas grand monde, je n'étions que 500. Mais je dansime, je dansime, je dansime, mais je dansime tant. J'avions là pour table une berouette à dents. J'avions là pour table une berouette à dents. Un quartier de Vachener et corps qui puait tant. Un quartier de Vachener et corps qui puait tant. Mais je dansime, je dansime, je dansime, mais je dansime tant. Du cidre bésègre, ah oui qui se défend. Du cidre bésègre, ah oui qui se défend. De la galette moisie, du large on en dent. De la galette moisie, du large on en dent. Mais je dansime, je dansime, j'enstime, mais je dansime tant. Au dessert d'esclaise, haut de gros verre dedans. Au dessert d'esclaise, haut de gros verre dedans. Qui remuait de la coupe quand on remuait des dents. Qui remuait de la coupe quand on remuait des dents. Mais je dansime, je dansime, je dansime, mais je dansime tant. Mais je dansime, je dansime, je dansime, mais je dansime tant. Les lutins, fous de joie, se roulaient par terre, embrassaient le bossu, sautaient autour de lui comme des pioutous, et finalement, l'invitèrent à former un souhait, jurant qu'il serait exaucé. « Ma foi, mais enlevez ma bosse !» répondit le chanteur. Le médecin de la bande fut aussitôt appelé. Il fit déshabiller le bossu et, en opérateur habile, lui enleva la rotondité sans lui faire endurer la moindre douleur. Cette bosse, une fois extraite, fut placée sur la fenêtre de la chapelle de Saint-Éloi. « Garde le secret sur ce qui s'est passé. » dirent les lutins au bossu quand celui-ci prit congé d'eux. « Autrement, tu t'en repentirais. »« Ne craignez rien, » dit-il. « Je saurai me taire. » Il était de bonne foi en faisant cette promesse. Mais il comptait sans la bouteille. Un autre bossu de Pléchâtel, appelé Julien Blandin, lui demandait souvent comment il avait fait pour se débarrasser de sa bosse. Mais Jean Ballard ne répondait pas ou disait, en plaisantant, qu'il l'avait oublié au marché de bain. Malheureusement pour lui, un jour qu'il était au cabaret, son camarade lui fit boire pichet de cidre sur pichet de cidre, mi-camo sur mi-camo, petit verre sur petit verre, si bien que Jean Ballard perdit l'esprit, raconta son aventure avec les lutins et chanta même sa chanson. Julien Blandin s'empressa d'aller la nuit suivante, au coup de minuit, sur la lande de Bagaron, où il rencontra les petits nains. « Voulez-vous me permettre, leur dit-il, de vous chanter une ronde à double refrain ?»« Bien volontiers, mon ami. » Et le bossu entonna. « Derrière de chez mon père, un oranger il y a. Derrière de chez mon père, un oranger il y a. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de là où se touca Brusca. Qu'est si chargé d'orange qu'on dit qu'il en rompra. Qu'est si chargé d'orange qu'on dit qu'il en rompra Brusca. Tourna de la digue du gond du gars, s'en va de là où se touca Brusca. Je pris ma gaule blanche, mon panier à mon bras. Je pris ma gaule blanche, mon panier à mon bras. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Et je m'en fus les vendre au marché de l'Oïa. Et je m'en fus les vendre au marché de l'Oïa. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Dans le chemin rencontre le fils d'un avocat. Dans le chemin rencontre le fils d'un avocat. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Il me demanda, belle, belle, que portez-vous là? Il me demanda, belle, belle, que portez-vous là? Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Monsieur sont des oranges, ne vous en faudrait-il pas? Monsieur sont des oranges, ne vous en faudrait-il pas? Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Il en prit 3 douzaines et 4 qu'on lui donna. Il en prit 3 douzaines et 4 qu'on lui donna. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Portez-le dans ma chambre, ma mère vous les paiera. Portez-les dans ma chambre, ma mère vous les paiera. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Quand je fus dans la chambre, pas de mère ne trouva. Quand je fus dans la chambre, pas de mère ne trouva. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Sautis par la fenêtre et bien vite me sauva. Sautis par la fenêtre et bien vite me sauva. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Quand je fus sur la route, bien fort je m'écria. Quand je fus sur la route, bien fort je m'écria. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. J'ai sauvé mes oranges, un autre les mangera. J'ai sauvé mes oranges, un autre les mangera. Brusca tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Tourna de la digue du gond du gars, s'en va de la oustouka Brusca. Émerveillés de la nouvelle chanson, les lutins, pour récompenser le chanteur, lui enlevèrent sa bosse et la placèrent à côté de la première sur la fenêtre de la chapelle. À quelque temps de là, un lundi soir que Jean Ballard, après s'être encore oublié dans les vignes du Seigneur, au marché de Bain, traversait la lande pour rentrer chez lui, il fut tout à coup entouré par les petits nains qui, malgré ses cris et ses supplications, lui remirent non seulement sa bosse sur le dos, mais encore lui placèrent sous la poitrine celle de son camarade, de sorte qu'il rentra à Pluchâtel, bossu par devant et bossu par derrière. Conté par Charles Jolivet, lorsqu'il était employé du télégraphe aérien sur la motte féodale du Coudray, non loin de la lande de Bagaron.